En signe de soutien au projet de la réunion conjointe du gouvernement, des partis politiques et des formations de la République populaire démocratique de Corée sur l'ouverture d'un grand rassemblement pan-national pour la réunification à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie, l'Alliance des Sud-Coréens au Japon pour la démocratie et la réunification a publié le 7 une déclaration, tandis que le Comité européen de la direction d'outre-mer pour l'application de la déclaration commune du 15 juin et le Conseil de coopération des Coréens en Allemagne ont lancé respectivement une déclaration.